cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala, amma ba'd. Avant de continuer, on revient à qawluhu azza wa jal, qad aflaha al-mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ila qawlihi azza wa jal, walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Awalan, dans le cours, au lieu de lire ala salawatihim, on a lu هكذا على صلاتهم يحافظون ويا une قراءه يا une قراءه صحيحه une lecture authentique au lieu de du pluriel صلواتهم صلاتهم لكن نحن quand on l'a lu on a pas fait attention والا فدان notre livre c'est au pluriel فاون لي القراءه المشهوره على صلواتهم يحافظون هذا اولا ثانيا on avait cité ان celui qui fait attention Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité sifat al-mu'minin dans ses versets, min surat al-mu'minun, en commençant par salat. Qala qad aflaha al-mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui ont du khushu' durant leur salat, ils se recueillent, ils sont concentrés, ils sont sincères. Et à la fin, qala azza wa jalla, alladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. On avait cité il y a une énorme faïda en Allah subhanahu wa ta'ala il a cité au début la salat et à la fin de la salat. L'imadal, il y a tout ce qu'il a cité, ça fait partie de l'iman. Il m'a faire ces choses, il m'a délaissé certaines choses, ça fait partie de l'iman. Et on a trouvé un kalam de Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah fi tafsirih qal wa qad iftataha Allah dhikra hadhihi as-sifat al-hamida bis-salat wa ikhtatamaha bis-salat fadalla ala afdaliyatiha. Falhamdulillah. Ibn Kathir rahimahullah قال ان الله سبحانه وتعالى il a commencé les caractéristiques des croyants en citant la salat ثم en terminant les quelques caractéristiques qu'il a cité عز وجل هنا par la salat ça montre l'importance de la salat ça montre les mérites de cette salat et ça montre que la salat c'est un pilier de l'iman c'est un des piliers de la foi قال rahimahullah On s'est arrêté à Fadakara Asl al-Iman. On reprend le hadith. On reprend le hadith juste avant, hatta on perd pas le fil. Qala kama thabata fi sahih min hadith Anas radiyallahu anhu. Annahu sallallahu alayhi wa sallam qala thalathun man kunna fih wajada bihinna halawata al-Iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Wa an yuhib al-mar la yuhibuhu illa lillah. وأن يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يقذف في النار. Donc, من أكبر المنن parmi les plus grands bienfaits أن يحبب الإيمان للعبد كما تقدم. Parmi les plus grands bienfaits, c'est que Allah سبحانه وتعالى il fasse que tu aimes l'Iman. قال الثلاث عليه الصلاة والسلام من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Ça nous montre أن هذا الإيمان له حلاوة, une saveur pour ceux que Allah سبحانه وتعالى il leur a fait aimer l'Iman. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. Donc Allah سبحانه وتعالى il a fait aimer l'Iman aux croyants, il a embelli les cœurs des croyants avec هذا الإيمان. فهذا الإيمان له حلاوة له حلاوة une saveur, un goût. Et parmi ces choses, قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذه الحلاوة كما تقدم معنا, cette saveur, c'est pas qu'une prétention. لا, cette saveur لها براهين وأدلة, des preuves claires. Si tu les ressens dans ton cœur, c'est que tu as هذه الحلاوة, c'est que tu as cette saveur, ce goût de l'Iman. Le premier burhan, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. C'est que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam plus que tout le monde, plus que toute chose. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Que quand tu aimes un autre croyant, tu l'aimes que pour Allah. Ça montre قوة الإيمان. قال وأن يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يقذف في النار. Vu que ce mu'min, il a connu cette ni'ma, il a connu la foi, il craint de perdre cette ni'ma, ce bienfait, comme il a peur d'être jeté dans le feu. قال رحمه الله فذكر أصل الإيمان الذي هو محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكتفى بمطلق المحبة، بل لا بد أن تكون محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على جميع المحاب. سأسأل مونتر أولا أن أصل الإيمان لا باز دو نوت ريليجيون سي ديمي الله سبحانه وتعالى اي سون ميساج صلى الله عليه وسلم. لأن celui qui aime الله سبحانه وتعالى il obéira à الله عز وجل. Celui qui aime le prophète صلى الله عليه وسلم il suivra le prophète صلى الله عليه وسلم. Donc par rapport à la faiblesse dans cet amour, الإنسان il aura des faiblesses dans sa foi. قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Ça nous montre أن أصل الإيمان donc c'est المحبة. La base de la foi c'est المحبة. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. وهذه المحبة لها ثمرات. تذكرون أن الإيمان الإيمان الله سبحانه وتعالى il l'a comparé à un arbre. Et un arbre s'il est bénéfique en général il aura des fruits et tu profiteras de ces fruits. فهكذا الإيمان il est fondé sur le محبة وهذه المحبة لها ثمرات. Allah subhanahu wa ta'ala il a cité le fruit le plus important et le plus profitable, le plus bénéfique. قل إن كنتم تحبون الله si vous aimez Allah فاتبعوني يحببكم الله Allah il vous aimera. Ça nous montre que ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhim alayhi salatu salam, cet amour véridique il les poussera à suivre un Nabi alayhi salatu salam. لماذا لأن quand tu aimes une personne enfin tu t'identifies à cette personne et tu essayes de ressembler à cette personne. C'est pour ça que tu trouves بعض الناس vu que on parle من المؤمنين أما les كفار c'est des كفار. On parle بعض الناس من المؤمنين certains croyants ils aiment le Nabi صلى الله عليه وسلم et ils croient à son messager à son message plutôt les fondements de la foi les piliers de l'islam etc. لكن vu qu'ils ont des faiblesses في هذه المحبة et vu qu'ils aiment d'autres autre chose, tu les trouves ahyanan ils s'identifient ou ils suivent ou ils prennent pour modèle des autres personnes. Walil asaf wa'dhum mais c'est très très grave. Ils prennent comme modèle des ennemis de l'islam. Ils parlent comme eux, ils s'habillent comme eux, ils ont un mode de vie comme eux. Wa hakada ayyadan billah. قال رحمه الله وذكر تفريعها بأن يحب لله ويبغض لله. كذلك من ثمرات هذا الإيمان on a toujours la source, la base الإيمان بالله والإيمان بالرسول أو محبة الله plutôt هنا ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام et celui qui aime Allah et son messager عليه الصلاة والسلام كذلك ça va impliquer ماذا أنه il va aimer ceux qui aiment Allah عز وجل. Il va aimer ceux qui aiment Allah عز وجل. Et il va détester ceux qui détestent Allah سبحانه وتعالى. أما prétendre aimer Allah سبحانه وتعالى et aimer son prophète عليه الصلاة والسلام ثم ne pas détester les ennemis d'Allah سبحانه وتعالى et de son messager عليه الصلاة والسلام هذا خلل كبير في الإيمان. C'est un énorme manque في الإيمان. بل celui qui aime les ennemis de l'islam par rapport à leur din par rapport à leur religion fausse, il n'a plus de foi. Son amour du faux, elle contredit complètement l'amour qui est fondé sur le haq, l'amour d'Allah et de son messager, et elle l'annule. L'amour, il est khatir. Et on a vu ce point dans Nawaqid al-Islam. Aimer les ennemis de l'islam pour leur religion. C'est de la mécréance. Il dit, « Fayuhib al-anbiya » والصديقين والشهداء والصالحين لأنهم قاموا بمحاب الله واختصهم من بين خلقه. C'est pour ça que tu trouves le mu'min, il aime beaucoup l'anbiya. Il aime énormément les messagers, les compagnons, les imams de la communauté, etc. لماذا لأن هؤلاء c'est أولياء الله. C'est les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut se poser une question très très importante هنا. Comment faire pour augmenter notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu salam? Vu que la foi elle monte, elle descend, elle augmente, elle diminue. Et vu que al-mahabba ça fait partie de la foi, donc cet amour il peut augmenter, il peut diminuer. Bardanès, ils ont un amour, un iman, qawi, très très fort, d'autres ils ont des faiblesses. Bah, comment faire pour faire des efforts fi hadha al-bab? Amma al-iman billah, c'est en apprenant, en étudiant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Limadha li'anna, si tu connais réellement Allah azza wa jalla, comment connaître Allah subhanahu wa ta'ala? En apprenant, en étudiant ses noms parfaits, ses attributs parfaits. Et on a, ton amour envers Allah, il va augmenter. Et tu vas étudier en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Karim, c'est le Rahim, c'est le Raouf, c'est le Rafiq. Toutes ces choses, ça va augmenter ton amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Amma mahabbatu nabi sallallahu alayhi wa sallam, en étudiant la biographie. Et c'est notre premier cours, walillahi alhamdu wal minna. Si tu connais réellement ton prophète, alayhi salatu salam, tu vas avoir aucun doute que c'est le meilleur des êtres humains. Et ça va te pousser à faire encore plus d'efforts pour le prendre comme modèle. Amma, on vit à une époque, il y a d'énormes manquements. Bardenas, ils ne connaissent pas grand-chose de leur créateur, Allah Rabbul Alamin. Si tu leur demandes de citer quelques noms, quelques attributs et le sens, كثير من المسلمين يزنيور سي شوز سي بوين اسانسييل اي كذلك معرفه النبي صلى الله عليه وسلم بوكو دو مسلم ils ont énormément de manquements via del peuple fait tu trouves énormément de manquements dans la foi et vu qu'on vit à une époque ان بعض الناس يدون de l'importance à autre chose tu les trouves ils sont émerveillés par certains ennemis de l'islam. Les malades, les anoumis, ils vivent avec eux, ou ils entendent à propos de ces ennemis des choses nuit et jour. Ou ils retardent. Fal hadar. Ça nous montre que d'ailleurs, qu'on a un ami asbab ou tel iman, c'est de vivre avec ceux qui aiment Allah subhanahu wa taala. Amma, vivre avec les ennemis de l'islam, c'est une cause pour que cette foi elle diminue. Bel, ça peut être une cause de ridda, comme avayna ba'du ahl al-ilm. Ça peut être une cause de perdre complètement sa foi. Les malades, les anoumis, l'insan, il est touché par son environnement. من جالس جانس والصاحب صاحب هكذا يقول أهل العلم أن celui qui vit avec un con il y a un impact sur lui والصاحب صاحب et le compagnon la fréquentation elle te tire vers ce qu'elle aime فاحذروا احذروا c'est une énorme ni'ma. Ce livre qu'on étudie depuis le début vous avez remarqué on répète souvent l'iman c'est le plus grand bienfait. Et on est tous d'accord, c'est le plus grand bienfait. Enfin, on doit le préserver. Des ennemis de l'islam, ils feront tout, Akhil Karim, pour toucher ce bienfait. Imma te le retirer complètement s'ils peuvent. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ. Te retirer هذا الفضل pour que tu deviennes comme eux. C'est leur objectif. On ne doit pas être fi ghafla. S'ils ne peuvent pas te le retirer complètement, ils essaieront de l'entacher, de le salir. قال رحمه الله وذكر دفع ما يناقضه وينافيه وأنه يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة بقدر أعظم من كراهة إلقائه في النار. Et ça, ça montre قوة الإيمان. Ça montre أن celui qui se rend compte de ce bienfait, ça va le pousser à être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et il craindra, il aura peur. Et Yakra, il détestera de perdre cette ni'ma comme il déteste qu'on le jette dans le feu. قال وأخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب إذ وجدها العبد سلته عن المحبوبات الدنيوية وعن الأغراض النفسية. Ça nous montre أن الإنسان لابد أن يحب. En tant qu'être humain, tu es obligé d'aimer ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala et qui ressentent هذه الحلاوة et qui font des efforts, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va les écarter de tout ce qui contredit cet amour. Min al-haram, etc. Et tu trouves ceux qui ils n'aiment pas Allah et son messager, comme le kuffar, ou qui ont des manquements, enfin, ils seront attirés par l'amour d'autre chose. Bardoum, ils aiment la mécréance, ayyadun billah, bardoum, ils aiment les mécréants, bardoum, ils aiment des péchés, bardoum, ils aiment des foussaqs, etc. فلهذا قال إذ وجدها العبد سلته عن المحبوبات الدنيوية. أي ça va le préserver de certaines choses من أمور الدنيا qui peuvent l'écarter de cet amour, l'amour véritable, l'amour d'Allah et de son messager عليه الصلاة والسلام. وعن الأغراض النفسية وأوجبت له الحياة الطيبة. c'est une cause pour être heureux. هذه المحبة هذا الإيمان بالله وبالرسول عليه الصلاة والسلام. C'est une cause pour être heureux. Et سيأتي معنا الدليل. قال فإن من أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهج بذكر الله. طبعا فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. Ça c'est une autre faïda. Celui qui aime une chose, il cite beaucoup cette chose. C'est pour ça que plus al-mu'min, il fait du dhikr et il aime faire du dhikr. Dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa astaghfirullah, lire le Coran, etc. Il aime que sa langue, elle fait du dhikr. La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ça montre أن إلى الإيمان et il aime الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن celui qui aime une chose il cite cette chose مثلا ceux qui aiment le tel sport le foot le basket ou autre vous avez remarqué que quand ils sont entre eux ils parlent que de ça لماذا؟ لأن ils aiment cette chose et cette chose elle apparaît dans leur langue. Belle, même quand ils sont avec une personne qui n'a pas la même passion, ils essayent de l'attirer vers cette chose. Ça nous montre que ça apparaît dans la langue. Enfin, ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont messagers, ça apparaît dans leur langue. قَالَ فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ Celui qui aime une chose, sa langue, elle cite cette chose énormément. قَالَ وَاشْتَهَدَ فِي مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ Le fruit, annahu issui an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a cité le verset. Amma ad-dalil ala anna ad-dhikr c'est une cause de bonheur. Qawluhu azza wa jal, ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Wa tatma'nina, là chaque ça montre le bonheur. La quiétude, être calme. Ça montre le bonheur. Mais celui qui est malheureux, il n'est pas calme. Là, il est daiman fi khawf wa huzn wa gham wa ham. La tristesse, l'angoisse, etc. قال وقدم متابعته على كل قول. Ça montre كذلك المحبة الحقيقية. Celui qui aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec un iman قوي, sans aucun doute, et il fait des efforts pour suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça va le pousser à rejeter l'avis des autres qui contredisent la voix du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Même si c'est un proche parent, même si c'est un savant. Il y en a, les proches, ils sont par l'abri, ils peuvent contredire un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ben, certains proches, ça peut être des ennemis du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants, malgré leur amour du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, ils sont pas infaillibles. Enfin, ils peuvent se tromper. Dans tous les cas, le mu'min, qui a iman qawi, il fait passer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant celle de tout le monde. Qala, وعلى إرادة النفوس وأغراضها même avant son nefs مثلا son âme elle le pousse à faire telle chose c'est haram un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a interdit cette chose مثلا boire de l'alcool enfin il fait passer le hukm le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant son propre nefs قال وعلى إرادة النفوس وأغراضها من كان كذلك فنفسه مطمئنة مستحلية للطاعات فقد انشرح الصدر صاحبها للإسلام فهو على نور من ربه. Celui qui ressent cette saveur, cet amour envers Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam, cette envie de faire du dhikr, cette envie de suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui déteste contredire la voix du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, فهذا il est dans une ni'ma azima. قال عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه il est على نور son cœur il y a de la lumière il aime la lumière et il suit la lumière la révélation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçu فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أما ceux qui ont cette قسوة ils ont du mal à faire du dhikr ou ils n'acceptent pas le dhikr عياذا بالله à cause d'un problème fil iman ou du rejet complet de l'iman, ils sont, comme a dit Azza wa Jalla, fi dhalal mubin. Chacun par rapport à son égarement. Certains sont fi dhalal al-akbar, la mécréance, et d'autres, dhalal, il m'a des innovations, il m'a des péchés. Chacun par rapport à ces égarements. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع إخواننا من الضلال. قال وكثير من المؤمنين لا يصل إلى هذه المرتبة العالية ولكل درجات مما عملوا. نسأل الله عز وجل من فضله. Ce passage qui vient de citer, cet amour envers Allah, envers son messager sallallahu alayhi wa sallam, le fait de ressentir cette saveur de la foi et de faire tous ces efforts qu'il a résumé al-mu'allif huna rahimahullah, ça c'est pas pour tout le monde. قال وكثير من المؤمنين, beaucoup de croyants, ils n'arrivent pas à atteindre ce degré. Ça nous montre anna parmi nos objectifs ya ikhwan, ça doit être d'atteindre hadhihi al-martaba. D'atteindre ce niveau, de ressentir cette saveur de la foi, d'avoir du plaisir à faire du dhikr, à étudier, à lire le Coran. Naam, avoir du plaisir à aimer ses frères al-mu'minin, détester les ennemis de l'islam, al-kafar, avoir du plaisir à suivre un nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prendre pour modèle. Avoir de la facilité à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à délaisser les péchés, tout ça c'est la foi. قال رحمه الله وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الإيمان أنه صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. أولا on reprécise هنا pourquoi الشيخ رحمه الله cite tous ces أحاديث. هنا il a cité un autre hadith, hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Pourquoi? Pour montrer anna al-iman, c'est dans le cœur, kadalik c'est des paroles avec la langue, et kadalik c'est des actes avec les membres. Tadkurun, on est toujours dans le chapitre la définition de la foi. Lakin avec tous ces adillah min al-Qur'an min al-Sunnah, rahimahullah, il montre c'est quoi la foi. فهنا il a cité هذا الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة. الحديث اللي في الصحيحين لكن اللفظ الأصح la narration la plus authentique كما قال في هامش الكتاب dans la note de bas de page بضع وستون, et la foi c'est 70 branches, et dans un hadith ستون 60 branches, et il est أصح, il est plus authentique. أعلاها قول لا إله إلا الله, la branche la plus élevée c'est le fait de dire la ilaha illallah. وأدناها, la plus basse, إماطة الأذى عن الطريق, et enlever un objet qui gêne dans le passage des musulmans. Ou al-haya, la pudeur, shu'batun min al-iman. Ça fait partie de la foi, c'est une des branches de la foi. Had al-hadith, il est wadih, il est clair. Anna la foi, c'est des paroles. Le fait de dire la ilaha illallah, c'est une parole. C'est des actes avec les membres. Le fait de retirer une chose qui gêne dans le passage, des bouts de verre ou autre, ça fait partie de la foi. Et al-haya, la pudeur, bien sûr, c'est dans le cœur. Ça fait partie de la foi. هذا من أصرح الأدلة أن الإيمان c'est dans le cœur, c'est des paroles et c'est des actes. قال الشيخ رحمه الله هذا صريح أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق والقيام بحق الله والإحسان إلى خلقه. Tout ça, on vient de le citer. أن الإيمان ça englobe des paroles, des croyances dans le cœur, وهكذا des actes avec les membres. Et dans le hadith, on a quelques exemples. قوله هو الأخلاق أي من الأخلاق الحياة parmi les bons comportements la pudeur. وإلا les autres points c'est clair. القيام بحق الله أي le fait d'appliquer la ilaha illallah. Il y en a celui qui dit la ilaha illallah, s'il est sincère il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est حق الله كما في حديث معاذ رضي الله عنه. الإحسان إلى خلقه أي إماطة الأذى عن الطريق. Il y en a comment faire al-ihsan envers les autres, parmi les moyens de faire al-ihsan, de retirer une chose qui peut les gêner. قال فجمع في هذا الحديث بين أعلاه وأصله وقاعدته وهو قول لا إله إلا الله اعتقادا وتألها. قوله عليه الصلاة والسلام أعلاها أي la branche la plus haute, c'est la base de notre dîn, c'est le pilier le plus important. Le fait de dire la ilaha illallah, c'est pas une simple parole. قول لا إله إلا الله, et الشيخ il a précisé اعتقادا, et sincèrement, avoir la certitude, être véridique. On dit cette kalima et on aime Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, et on aime tout ce que cette kalima elle englobe. min tawhid, etc. Kadalik, on s'écarte de tout ce qui contredit cette kalima. Min al-shirk wa ibadati ghayrillahi azza wa jal. Hada qawluhu ta'alluhan wa ikhlasan lillah. Amma al-munafiqoun, ils ont dit cette parole. Est-ce que les munafiqoun, ils ont la foi? Ils n'ont pas la foi. Ça nous montre le fait de la prononcer, c'est pas suffisant. Là, la prononcer avec la langue et avoir une conviction authentique dans le cœur, on a celui qui mérite l'adoration, c'est Allah seul. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est faux, c'est bibatil. Et كذلك avec les membres, mettre en application et adorer Allah et s'écarter du shirk. قال وبين أدناه وهو إماطة العظم والشوكة وكل ما يؤذي عن الطريق. Tout ce qui peut gêner, ça peut être l'azm, un os, ça peut être des épines, ça peut être des bouts de verre, ça peut être un liquide, le mu'min peut glisser, se faire beaucoup de mal. Enfin, tout ça, celui qui retire cette chose qui peut faire du mal, minat tariq, ça montre annahu ila al-iman. C'est une branche parmi les branches de la foi. Qala fa kayfa bima fawq dhalik min al-ihsan. Si le fait de retirer cette chose, ça peut être une peau de banane, ça peut être un bout de verre, ça peut être une branche ou qu'il y a des épines. Si c'est le fait de retirer cette chose, ça fait partie de l'iman. Et c'est min al-ihsan. Ça fait partie de l'ihsan. Il traduit l'ihsan par la bienfaisance envers les autres. Enfin, que dire celui qui montre et qui met en garde contre al-shirk? Amma ce bout de verre, voilà aussi, personne l'enlève et tu marches dessus. Enfin, Robama, ça va te blesser, une blessure légère. Et alhamdulillah, il n'y a rien de dramatique. Belle, c'est une cause pour qu'Allah te pardonne des péchés. Amma ceux qui sont la cause, al-ulama, qabla dhalik al-anbiya wa al-rusul, thumma ceux qui les ont suivis, les ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, wa min a'immati sunnah, jusqu'aux savants dans notre époque, les savants contemporains, qui montrent et qui mettent en garde al-umma contre al-shirk. Le fait d'adorer autre qu'Allah, ou d'adorer Allah et d'adorer une créature, ils mettent en garde contre le bid'a, contre le khurafat, contre les choses infondées, contre les innovations, contre les péchés. Voilà, chacun a hâda, c'est min a'adam al-ihsan. Et c'est min imatatu al-adha an tariq al-mu'minin. Le tariq qui les emmène pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, hâda tariq que les mu'minoun ils empruntent pour suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est plein d'obstacles. Et les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils combattent les mu'minin laylan wa naharan. Celui qui fait des efforts pour montrer à ses frères et pour retirer ces obstacles pour être une cause, voilà chacun a hada sa récompense, ajruhu, il est a'zam wa a'zam. Et ça fait partie de la foi, il n'y a aucun doute. Qal wa dhakar al-haya. والله أعلم لأن الحياء به حياة الإيمان وبه يدع العبد كل فعل قبيح. هذا سان خلق عظيم. La pudeur. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité al-haya? Vous avez remarqué que al-haya, la base du mot, c'est comme le mot al-hayat, la vie. فلهذا الشيخ il a fait le lien. لأن الحياء به حياة الإيمان. Celui qui a la foi dans le cœur ou la pudeur dans le cœur, c'est un signe que son cœur il est vivant. Il est vivant par quoi ? Ou avec quoi ? Avec la foi. قال وبه يدع العبد كل فعل قبيح. كما جاء في حديث. On a étudié ولله الحمد ce chapitre الحياة dans روضة العقلاء de l'imam Ibn Hibban رحمه الله. Donc la pudeur c'est une cause pour délaisser الفعل القبيح. كم من الناس tellement qu'ils sont pudiques qu'ils s'écartent du haram. Ils n'osent pas. Et أعظم الحياة c'est الحياة من الله. La pudeur la plus importante, la plus bénéfique, la plus profitable, c'est la pudeur min Allah Azza wa Jal. Tu sais qu'Allah il te voit, il t'entend, il sait ce qu'il y a dans ton cœur, il connaît ta situation, il sait ce que tu fais à chaque instant. Hada, ça doit nous pousser à avoir al-haya min Allah. Sahih, si certaines choses, on ne peut pas les faire devant les autres. Dire certaines choses, avoir certains comportements, avoir certaines tenues, on ne peut pas mettre l'un devant nos parents, devant... C'est quoi qui pousse à hada? C'est le haya. C'est pour ça que tu trouves al-kuffar, c'est aqall an-nas haya. Bardoum, ils n'ont plus du tout de haya. Ils sont comme des animaux. Ayyadan billah. dans le langage, dans le comportement, dans la tenue vestimentaire. Ils ne font plus aucune différence entre parents, enfants, voisins. C'est quoi qui le pousse à ça? C'est le haya envers ses parents. لكن أعظم من ذلك c'est le haya envers Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا لأن أحيانا الإنسان sa pudeur elle le pousse à ne pas faire certaines choses devant les gens. Quand il se retrouve seul, il fait ces choses, même si c'est du haram. Alors que Allah il le voit, il n'est pas seul. Ça montre quoi? Un va'fou. Ça montre quoi? Un va'fi al-iman. Et c'est le point précédent. قال رحمه الله كما به يتحقق كل خلق حسن. Donc la pudeur, c'est une cause pour s'écarter des péchés et كذلك c'est une cause pour faire le bien. قال وهذه الشعب المذكورة في هذا الحديث هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. Et l'imam Al-Bayhaqi رحمه الله, il a écrit un livre, un célèbre ouvrage, شعب الإيمان. Et il a cité هذه الشعب, en commençant par قول لا إله إلا الله, il a cité beaucoup de shu'ab, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan, la salat, shu'ba min shu'ab al-iman, c'est une branche. Al-zakat, al-siyam, al-hajj, al-amr bil-ma'ruf, al-nahi al-munkar, al-jihad, l'obéissance aux parents, etc. Tout ça, c'est des branches de la foi. قالوا هذا أيضا صريح في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب. نعم, من عقيدة المؤمن, من عقيدة أهل السنة, أن la foi augmente et elle diminue. Et elle augmente et elle diminue par rapport à ses branches. Plus l'insan yhaqqaq ses branches, plus elle diminue. Plus il a des manquements dans ses branches, aqsud, si j'ai dit elle diminue, elle augmente au départ. Plus l'insan fait des efforts concernant ses branches, sa foi elle augmente. Plus il a des manquements concernant ses branches, plus sa foi elle diminue. قال واتصاف العبد بها أو عدمه ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشرع كما ترى وهذا سيأتي إن شاء الله un chapitre réservé sur le fait que la foi augmente et elle diminue. ولا شك أن celui qui contredit ce point essentiel dans l'Iman فسأ نكاري. قال وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبريل المشهور حديث عمر رضي الله عنه صحيح مسلم لكن il est connu selon nom de حديث جبريل حيث سأله جبريل بحضرة الصحابة عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. جبريل quand il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم sur l'Iman, النبي صلى الله عليه وسلم il a répondu avec les six piliers de la foi. Tout ça, ça concerne le cœur. قال وفسر الإسلام بالشرائع الخمس الظاهرة. Quand il lui a demandé عليه السلام ما الإسلام, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. Donc الشرائع الظاهرة, الشهادة avec la langue et la salat avec les membres. Et bien sûr, avec le cœur et la langue aussi. Az-zakat, c'est le fait de donner une partie de son argent. As-siyam, ça concerne le corps, le fait de ne pas manger. Et al-hajj, bien sûr, c'est un déplacement avec des ibadat, at-tawaf, etc. Qala, li'annahu kama taqaddam, idha qurina l'iman, idha qurina bil-iman ghayruhu, فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية والإسلام أو الأعمال الصالحة بالشرائع الظاهرة وأما عند الإطلاق إذا أطلق الإيمان فقد تقدم أنه يشمل ذلك أجمع. Ça c'est une règle concernant l'islam ou l'iman. Quand ils sont cités les deux dans le même texte, c'est le cas dans le hadith Jibril عليه السلام. فالإيمان c'est pour les actes du cœur. Croire en Allah, ses messagers, ses livres, ses messagers, croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier et le destin. Tout ça, c'est des usul dans le cœur, des fondements de l'iman dans le cœur. Et quand l'islam est cité dans le même texte, l'islam c'est réservé pour les actes apparents. Le fait de dire la shahada, la salat, etc. Les cinq piliers de l'islam. Amma si l'islam est cité seul, comme fait Qawli Azza wa Jal, inna al-din inda Allah al-islam, bien sûr, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Bien sûr, ça implique les fondements de la foi. Il a celui qui ne croit pas en Allah, ses anges, ses messagers, ses livres, etc. Enfin, c'est pas un croyant. Il n'y a aucun doute. Et quand l'iman, il est cité seul, la shakanahu s'englobe. S'englobe ma'ada. S'englobe les piliers de l'islam. كما جاء في الحديث الحديث بريسيدون الايمان بضع وستون شعبه يعني aucun doute ان الصلاه سي اون برانش ان الشهاده سي اون برانش بل الشهاده لي سيتي اعلاها قول لا اله الا الله alors que c'est un pilier de l'islam face ça nous montre cette قاعده que les ulama cite on l'a vu كثيرا ensemble dans nos cours et que Cheikh Saadi l'a recité هنا قال وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يتم إيمان عبد حتى يقدم محبته على محبة أحب الخلق إليه سنمضي كذلك أن الإيمان c'est pas مجرد ادعاء comme on a vu كثيرا أن الإيمان c'est un mode de vie et المؤمن qui aime le prophète صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية قوية فإل aimera le prophète صلى الله عليه وسلم plus que lui-même plus que ses parents plus que ses enfants et par rapport à sa foi si sa foi elle diminue cet amour il diminuera قال فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يتم إيمان عبد حتى يقدم محبته على محبة أحب الخلق إليه وعلامة ذلك إذا تعارضت المحبتان et ça c'est un كلام جميل أن العلامة la preuve le signe comment savoir que l'insan il aime plus le prophète صلى الله عليه وسلم que lui-même ou que ses enfants ou ses parents ou ses proches comment savoir هذا قال فإن قدم ما يحبه الرسول كان الصادق الإيمان. مثلا tu es confronté à deux situations. Une situation c'est la voix du prophète عليه الصلاة والسلام. Une autre situation c'est ça contredit la voix du prophète صلى الله عليه وسلم. C'est un péché. Si tu fais passer la voix du prophète صلى الله عليه وسلم avant l'autre cas, ça montre que tu fais passer l'amour du prophète صلى الله عليه وسلم avant. Si l'insan il fait passer l'autre chose avant la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça montre qu'il a une faiblesse dans la foi. قال وإلا فهو ناقص الإيمان. Ça nous montre أن les péchés ça annule pas la foi. Voilà. C'est pas à chaque fois que celui qui a un problème, qui a fait un péché, sa foi diminue et on pense que s'il a fait ce péché, c'est qu'il a fait passer cette chose avant l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il n'aime plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est plus un croyant. Ça, c'est le raisonnement de l'Khawarij, al-Dullal. Mais le sunnah, c'est A'dal al-Nas. A'dal al-Nas, c'est l'A'dal huna, c'est la justice huna, la vie correcte huna, qui est fondée sur l'Adillah. C'est que l'Ma'asiyah, ça fait descendre la foi. Les péchés, c'est une cause pour que la foi, elle diminue. قال كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Pour comprendre هذه الآية, il faut savoir, il faut connaître سبب النزول. Et ce verset, il a été révélé quand الزبير رضي الله تعالى عنه, الصحابي الجليل, من السابقين الأولين من المهاجرين, comme on a vu dans notre درس précédent, اختلف مع أنصاري من الصحابة رضي الله عنه مدين. فالله il a révélé ce verset. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وكما قال الإمام الألباني رحمه الله لا شك أن الأنصاري كي خالف الزبير بيرسون دي كو سان كافر نعوذ بالله سان صحابي. لكن هنا المراد فلا وربك لا يؤمنون أي الإيمان الكامل. par rapport à la qissa وإلا الآية si on la prend من حيث العموم فالعلماء منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ils ont démontré que ce verset c'est comme قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Si ils pensent que juger par autre que la législation du prophète صلى الله عليه وسلم c'est permis ou c'est comme juger par la voie du avec la législation du prophète صلى الله عليه وسلم ou juger par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est mieux que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et du messager alayhi salam, les trois cas qu'on a cités c'est de la grande mécréance. Hada la shak fiha. Amma celui qui reconnaît que hukm ar-rasul c'est la vérité, hukm Allah c'est la vérité, les textes du Coran et de la sunna, lakin par faiblesse il délaisse hada al-hukm ou par passion, ou pression ou autre, et il reconnaît que la loi d'Allah c'est la meilleure et c'est la vérité, c'est un naqs fil iman. Et هذا التفصيل on l'a fait plusieurs fois. Et Cheikh Saadi, vous avez remarqué qu'il a cité ما يتعلق بنقص الإيمان, la faiblesse de foi concernant le fait de désobéir. ثم il a cité directement ce verset. هذا ça prouve أن عند أهل العلم قوله عز وجل لا يؤمنون هنا c'est pas دائما الكفر الأكبر. Là, ça dépend de la situation. Et سبب النزول il aide à comprendre هذا. قال فأقسم تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يبقى في قلوبهم حرج وضيق من حكمه وينقاد له انقيادا وينشرح لحكمه وهذا الشامل في تحكيمه في أصول الدين وفروعه وفي الأحكام الكلية والأحكام الجزئية. نعم, هذا الواجب على جميع المؤمنين. فcelui qui a un problème dans هذا الإيمان الواجب, ف il fait une ma'asiyah, et sa foi, elle descend et il commet un péché. Naam, amma celui qui rejette hukm Allah, ou il pense que c'est permis de juger avec autre que les lois d'Allah, fa hada, il n'y a aucun doute que c'est de la grande mécréance. قال وفي الصحيحين أيضا عن أنس مرفوعا لا يؤمن وحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وذلك يقتضي أن يقوم بحقوق إخوانه المسلمين الخاصة والعامة فإنه من الإيمان ومن لم يقم بذلك ويحب له ما يحب لنفسه فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب. هكذا سحديد لا يؤمن وحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Est-ce que ça veut dire celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même c'est plus un croyant? Là ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, ça doit te pousser à أن تقوم بحقوق إخوانك. أي l'entraide, ton frère il a besoin de telle chose, etc. تتعاون مع أخيك, ça montre l'Iman. قال ومن لم يقم بذلك, celui qui délaisse l'obligation, certaines obligations entre toi et ton frère, قال ويحب لهم ما يحب لنفسه فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب. هذا il a un problème في الإيمان الواجب, et ce qu'il a fait c'est une معصية, et c'est une cause que sa foi elle descend. قال بل نقص إيمانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه. نعم. مثلا répondre au salam c'est une obligation et c'est un حق من حقوق المسلمين. رد السلام. Et si tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même et toi tu aimes qu'on réponde quand tu passes le salam, enfin si ton frère te passe le salam tu dois répondre. Si tu réponds pas tu as un problème في هذا الباب. أي الإيمان الواجب, أي tu as fait une معصية, tu as fait un péché, et la foi elle descend par rapport à ce péché. Répondre, ne pas répondre au salam, c'est un péché. Là, chaque ça fait diminuer la foi. هذا. Donc, par rapport à chaque péché, par rapport à chaque péché, la foi elle descend. نعم. Et le prochain hadith, inshallah ta'ala, le prochain cours. Et on passe à la dernière partie, inshallah.